Demain y'aura DJ Ludo Remix pour nous mettre à l'envers. Inch'Allah, demain y'aura DJ Ludo Remix pour nous mettre à l'envers. Inch'Allah, demain y'aura DJ Ludo Remix pour nous mettre à l'envers. Inch'Allah, demain y'aura DJ Ludo Remix pour nous mettre à l'envers. Ludo Remix, yeah, Ludo Remix, yeah. Ces enfants, on a damné tous nos soldats. Et si ensemble on faisait tomber tous les étendards, si on arrêtait le temps, ils arrêteraient leur combat. Inch'Allah, demain on arrêtera de faire la guerre, on aura mieux à faire. Inch'Allah, demain on arrêtera de faire la guerre, on aura mieux à faire. Listen for me, so listen for me. Listen for me, so listen for me.